pas de vite et mort dans le délire. Rage langue de pute, mort dans le game, nous on marque des putes. Trop chichi, blablabla, tu parles trop gros G. Mais blablabla, fais pas long, yes, t'es crié comme la bagarre G. Mort dans le film, D, si tu crois qu'on va donner vrai bonhomme, préfère pur. J'ai la pression, pas d'illusion, t'es mort pour délire d'ancienne. Trop de péteurs à la lampe pendue, trou du cul est vendu, qui se vante. J'ai des rails stock et tout que te baisse, même pour dire que se refait sur quelques pièces. Ouais, t'es mort dans le film, serre les fesses, on t'injecte la morphine. Avec délicatesse, que tu ressens ce qui en dur me roule. Poucaf de merde, ouais. On parle de tes bluffs, t'appelles les keufs, rageux de mes couilles. On parle de tes bluffs, t'appelles les keufs, nous on porte nos couilles. On porte nos couilles. On porte nos couilles. Pas de ce vide, t'es mort dans le délire. Rage langue de pute, mort dans le game, nous on marque des putes. Pas de ce vide, t'es mort dans le délire. Rage langue de pute, mort dans le game, nous on marque des putes. T'es mort dans le film, goût comme Ken, c'est Pekin ou Montana. Mort dans le film si tu crois gris, parce que tu portes le bandana. J'annonce la couleur sous canard, si charme. Ces mecs vont finir près des canards dans le canal. Connard, honore l'arcona et connaît. Mort dans le film si tu me pousses la dos, car là tout je suis adepte. Surtout quand tu montes les nerfs, maintenant narguez les faux, larguez les faux dans nos femmes. Je vais la tous à la recherche de l'or. Ray la hit, c'est un movie, je veux voir la fin du générique. Et pas canner sous cheese lors d'un pet sur le périphérique. Pour ma part, mourir dans le film serait de partir sans le jean. Iblis comme metteur en scène avec de la scène dans le jean. HITCH, je me suis jamais pris pour un bandit. Oui, je kick les fils de lâche car à mon goût ils ont trop menti. Ici nos gens sur Oise, on chasse les oies et les apprentis. T'es cadré sur la voie, t'es mort dans le film, on t'anéantit. Pas de ce vide, t'es mort dans le délire. Rage langue de pute, mort dans le game, nous on marque des putes. Pas de ce vide, t'es mort dans le délire. Rage langue de pute, mort dans le game, nous on marque des putes. Chez toi t'es un thug, chez nous t'es mort dans le film. Tu prends pour un tueur, t'es mort dans le film. Si tu fais des trucs sales, t'es mort dans le film. Mort dans le film, mort dans le film. T'es mort dans le film, même avec ta papi. Chaise pleine d'appui, boy, tu fais de la bad bête. Des bad scènes, des parisiens, malgré tout ça, des mauvais bails. T'es mort dans le film, mort dans le film. J'ai une bitch, t'as reconnu les bad boys. So ils c'est des bad 6. Un chanteur de rap gang. Toi MC, tu rap mal, la vérité, t'es mort dans le game. Mort dans le game. Les hommes de pute sont morts en vrai, parce qu'ils parlent mal derrière notre dos. Mais t'inquiète, les acteurs, on les connaît. Ils sont tous morts dans le scénario. Mort dans le scénario. Quand t'as quoi, t'es mort dans le piste, t'as balancé tous tes potos sous protection judiciaire. Parce que maintenant, t'es mort dans le ghetto. T'es mort dans le délire. Multi récidiviste au tribunal sans avocat. N'est un chétan, t'es mort dans le délire. T'es mort dans le délire. Machallah, t'es mort dans le deal. Mais si t'es mort dans le deal, prends le pas mal, petit bouffon, t'es mort dans le film. Mort dans le film. Chez toi, t'es un tel. Chez nous, t'es mort. Mort dans le film, tu me prends pour un tueur. T'es mort dans le film, comme le trois quarts des rappeurs. Mort dans le game. Pas de ce vide, t'es mort dans le délire.